chat. Son saxo jaune connaît toutes les rues par cœur, tous les petits bars, tous les coins noirs. Et la femme et ses ponts qui brillent dans sa caisse. La musique